ni belle, ni vigira. Erikoui, ma nation, la mise en onde, merci de nous être restés fidèles. Bienvenue à cette édition de la mi-journée dominicale. Voici d'abord les grands titres. Trois morts la nuit dernière en zone urbaine de Kinindo, de la commune Moha, au sud de la mairie de Bujumbura. C'est suite au tir de la police qui les a qualifiés de bandits. Ces corps des gens inconnus ont été acheminés à la morgue, vous l'entendrez. La reconstruction des barrages hydro-agricoles complètement détruits et la réhabilitation de ceux qui restent fonctionnels. Voici les doléances des agriculteurs d'Okagogo Gisumo de la commune Bugendana, province Gitega. Une situation déjà connue au niveau du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, rassure l'autorité provinciale en charge de l'agriculture. Et dans la chronique et nutrition de ce dimanche, l'on revient sur la consommation de la morette noire. Voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Trois personnes qualifiées de bandits par la police sont mortes sur le champ le matin de ce dimanche en zone Kinindo de la commune urbaine de Moha au sud de Bujumbura. La police a précisé que ces trois bandits venaient d'escalader les murs des clôtures à la rue de Muhanga, sur la rue de Muhanga et ont pris la décision de faire le bouclage. Après avoir été informé à la police en patrouille, la police a cherché donc de les interpeller et un des voleurs a jeté des cailloux aux policiers. Et c'est à ce moment que les policiers ont dû tirer, poursuit cette institution. Contactés par la police, les administratifs à la base ainsi que d'autres personnes ne les a reconnus. L'officier de police et judiciaire a déjà fait le constat et ses cadavres ont été transportés à la morgue. Société à présent, certains rapatriés de la commune Kayogoro en province Makamba se retrouvent avec plus d'un conjoint ou sont rapatriés dans les zones dont ils ne sont pas natifs. Selon l'administrateur communal de Kayogoro, cette catégorie de gens fait partie des défis que connaît le rapatriement des réfugiés burundais dans cette commune. Antoine Ndaïra Guidje dit que dans ce cas, l'on fait recours à la collaboration avec d'autres administrateurs communaux pour apporter des solutions à ce problème civil. Les rapatriés qui viennent très précisément de la Tanzanie nous disent qu'il y en a encore qui restent en Tanzanie, qui veulent regagner leur pays natal. On entend que même ceux qui restent là ont besoin de regagner leur pays. Les défis enregistrés sont des défis énormes parce qu'il y a des rapatriés qui rentrent et voilà s'installer ici chez nous à Kayogoro, alors qu'ils ne sont pas d'origine de Kayogoro. Donc on voit que ça c'est un défi parce qu'on fait le contact avec les administrateurs de leur commune d'origine en leur demandant la situation. Et souvent, on entend parler que ce sont des hommes qui ont quitté le pays en laissant leur famille dans leur commune. Arrivés dans les camps de réfugiés, ils prennent d'autres femmes. Donc, à rentrer, ils ont honte de rentrer chez eux avec une deuxième femme, avec les enfants qu'ils ont eus en Tanzanie. En consultation avec les administrateurs des communes d'origine, on leur dit qu'il faut que ces hommes-là regagnent leur domicile et les problèmes vont être résolus dans les communes d'origine. Au point de vue réintégration sociale, on a déjà préparé d'autres populations qu'il faut bien accueillir les rapatriés qui ont gagné leur pays d'origine. Il y a aussi des associations qui nous aident à mettre ensemble ces deux parties, à leur donner du travail ensemble, en entretenant les routes, en traçant les courbes de niveau. Et il y a aussi une somme qu'ils réservent afin qu'ils puissent continuer dans les associations de l'agriculture, de l'élevage, en travaillant ensemble, en dialoguant. Comme ça, la réintégration devient très facile. Donc, on voit que même si on a quitté notre pays d'origine, le retour n'est pas très difficile. C'était toujours avec le concubinage qui est à la base de nombreux conflits sociaux observés dans la commune de Muyinga et accentue le phénomène de polygamie. Amédé Misagwa, administrateur de cette commune, indique qu'une campagne d'enregistrement de 200 couples en union libre est en cours, à commencer par la zone de Chumba qui a enregistré ce samedi 19 couples. Pierre Claver Barundi. La plupart des conflits observés dans les ménages de la commune Muyinga sont dus au concubinage. Amédé Misago, administrateur de cette commune, parle d'environ 90% des cas. Parmi les conflits que nous recevons, environ 89% proviennent des couples qui vivent illégalement. Ce qui fait mal, c'est que quand nous voulons nous référer à la loi, nous constatons malheureusement que ces couples ne sont pas reconnus. Il indique que des femmes et des hommes décident de vivre ensemble de façon illégale, ce qui accentue le problème de polygamie. En effet, aucune barrière n'empêche l'homme en union libre de prendre une autre femme, puisqu'il reste considéré comme un célibataire, même quand il a déjà fait beaucoup d'enfants. Dans le souci d'éviter ce désordre, la commune de Muyinga a procédé ce samedi en zone Chumba, en l'enregistrement de 19 couples en union libre, une action qui va s'étendre dans toutes les zones de cette commune, où environ 200 couples sont attendus. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. 13h03 minutes dans les yeux de la radio Isanganiro. Poursuivons cette édition avec ces plus de 100 personnes, majoritairement chômeurs, de la commune Gihanga. Nous sommes en province de Bubanza qui réclament leur rémunération après distribution des moustiquaires. C'était dans une campagne de 2019. Ils s'étaient ce samedi rassemblés devant les bureaux de cette commune après avoir été appelés pour récupérer leur argent, mais ils sont rentrés en bredouille. Le secrétaire permanent dans la commune Gihanga dit avoir pris cette question à main. Space Caritas Kawanyana, correspondance. Ces personnes qui se comptent à plus de 100, comme elles le disent, ont passé toute la journée de ce samedi devant les bureaux de la commune Gihanga. Elles avaient été appelées pour être payées, mais elles n'ont pas été rétablies dans leurs droits. Depuis 2019, au moment où ils ont aidé dans la campagne de distribution des moustiquaires, ils n'ont pas été payés et réclament des montants différents selon les tâches réalisées. Certains pour le dénombrement des ménages, d'autres pour la distribution des moustiquaires et différentes autres activités. Ils demandent d'être rétablis dans leurs droits et déplorent le fait que personne ne veut leur donner une réponse claire parmi ceux qui organisaient cette campagne. Dans la commune Gihanga, on explique qu'on est en train de suivre de près cette question. C'est ce que dit le secrétaire permanent de cette commune. Et au niveau de l'association des personnes vivant avec le VIH-Sida et le BP+, à Bubanza, qui avait gagné ce marché, on nous a renvoyé à Caritas Burundi qui a acheminé les listes au PNUD. Au niveau du réseau burundais des personnes vivant avec le VIH-Sida RBP+, on indique également que le dernier paiement de cette campagne serait en cours et que les impayés devaient être régularisés avant de clôturer ce paiement. Space Caritas Kawanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci, Space Caritas Kabanyana. Les riziculteurs qui exploitent le marais de Kagogo Gisumon en commune Bugendana de la province Gitega réclament la reconstruction des barrages hydro-agricoles complètement détruits et la réhabilitation de ceux qui restent fonctionnels pour qu'ils soient en mesure de semer le riz à la prochaine saison. C'est au moment où certains parmi eux n'ont pas pu planter le riz pendant la dernière saison, faute d'irrigation. Le directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Gitega dit que ce problème est déjà connu au niveau du ministère de tutelle qui a déjà les compétences de sa résolution. L'élément n'est pas prêt. Si jamais il est disponible, on va y revenir. Place maintenant à la chronique nutrition. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Chronique nutrition, la morelle noire est une plante à usage médicinaux très utile à la santé humaine. Elle contient différentes vertus, dont les minerais. Gilbert Nanguaha, chercheur nutritionniste, fait savoir que la morelle noire lutte contre les douleurs, notamment les douleurs gastriques. Il interpelle les consommateurs à toujours plonger la morelle noire dans l'eau bouillante pour réduire son amertume. Omer Douayou.